nous sommes de retour. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand qui fait tout le reste pour les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Aujourd'hui, un bloc, on commence avec un bloc de hits de Jean-Philippe. J'allais comprendre que ces hits à lui ne sont pas nécessairement les hits des autres, mais ils sont souvent les miens. Des vieilleries aussi, qu'il me dit. Ensuite, on a du folk, indie, ensuite des trucs plus ambiants. Toutes sortes de trucs. Bref, vous connaissez le principe. C'est éclectique. Tonight, by the grace of God, we're going to hit the devil where he hurts. I believe tonight that there are going to be thousands of homosexuals for television that will never again fall back into that hellish, despicable, hell-bound bondage after this message. For you will know the truth, and the truth will make you free. Glory to God. Hallelujah. I believe there are going to be thousands and thousands of Christians that alcohol has bound them, and they were set free when they were saved, but Satan found a way to get back in, and this terrible thing has dragged them down over and over again. But tonight, by the grace of God, they're going to be instantly set free. I mean instantly, in the name of Jesus. Glory! Let me say this, which is going to be hard for you to take. You can't lick it, you can't rip it, you can't beat it, you can't destroy it for prayer. Did I hear you say that, Swagger? 5 years ago, had somebody written me as the thousands write today. Homosexuals, alcoholics, drug addicts, perversion, child molesters, envy, jealousy, malice, greed, sexual perversions of every type. If 5 years ago they had written, and they did, all I could tell them to do was get in that word and pray every day and live as close to God as you can. And that's great. I seek God almost 24 hours a day. I pray almost without ceasing. I stay in this word. But those things, as great as they are, will not affect your deliverance. You can get in the prayer lines until your hair is white. You can get anointed with enough oil to solve the energy crisis that we used to have. You mean you don't believe in deliverance? Oh, yes, but I'm going to tell you tonight how to get it. You say, well, you mean prayer won't help me? Oh, prayer will help you an awful lot, but it won't get you deliverance. You mean fasting won't help me? You can fast until they can pull you through a keyhole. And it won't help you in this vein. It'll help you, but it won't help you get victory. You'll fast until you're a walking skeleton and seek God until you can't pray anymore. And Satan will hit you, and you'll go right back to that bottle, right back to that cigarette, right back to that thing. And then the devil will hit you and laugh at you and say, now you've done it all. And there is nothing else you can do, and I've got you now. And way down deep inside, you don't know what to do. I want to make it clear and understood. If you walk away from this place saying Jimmy Swagger's telling me not to pray, well, you're going to be lying. Meet Harry the Swinger. He's one of those people who likes to keep active, plays a lot of golf, likes the theater, the beach, and goes dancing almost every Saturday night. But Harry didn't always swing. Up until 2 years ago, he was Harry the 9-to-5er. Then, he retired at age 65 and moved to Leisure World, a community for young senior citizens in Seal Beach, California. Now, Harry can swing with more than 11,000 actively retired people. Because at Leisure World, You don't have to stop living when you stop working. just waiting to get at you. Jungle Jim. What's his name now? Jungle Jim. Stardate 2434.2, First Officer's Log. On a routine patrol flight in the Milky Way galaxy, I discovered on our space sensors an unidentified planet careening wildly in an eccentric solar orbit. I ordered an immediate investigation and with much difficulty maneuvered our ship for a temporary orbit. Upon beaming down to the planet's surface, all I could see were ruins. Ruins of some type of civilization. Crumbled buildings, deserted streets, charred vegetation, all covered with a thick layer of dust, which our scanners indicated as intensely radioactive. I proceeded to make a thorough survey of the area. According to my calculations, I could tell that some recent phenomenon or holocaust had occurred and destroyed whatever advanced civilization had existed on the planet. I found no sign of life. As I made my way back to the ship, I heard a sound. It came from a cellar in one of the nearby buildings. Carefully and slowly, I found my way to the source and discovered a human being, or rather, what once was a human being, a scarred, disfigured man lying in the rubble. When I questioned him, he told me that this had once been a great world. They had abundance and plenty, intelligence, beauty, love. There was enough for everyone who lived there. But the inhabitants were never satisfied. They wanted more. They wanted everything. And they started to quarrel amongst themselves. They could not live in peace. And they tried to destroy each other. In doing this, they destroyed everything. Their abundance, their plenty, their own intelligence, their beauty, their love. He told me that so far as he knew, he was the only living thing left, but that he knew he was dying. When I asked him the name of the planet, he replied, "We called it Earth." ciel de grande étoile qui brûlait comme un flambeau. De Percé à Plattsburgh en passant par Oka. Venez faire un tour dans la grande tente. Approchez, approchez, approchez tout le monde. Vous allez voir les vrais moutons, puis le grand tronc, puis la femme bonbon, puis l'église pas de fond. Venez, approchez, approchez, approchez. Venez faire un tour dans la grande tente. Venez voir les pingues à linge qui déshabillent. Il est bœuf oxosexuel. Venez toucher la femme. Puis rencontrer le vrai pet dans le trèfle. Approchez, approchez. Venez faire un tour dans la grande dame. Venez faire un tour. C'est gratis. Vous pourrez péter plus haut que le trou. Voir l'homme à deux faces. Vous verrez aussi le laitier bouteille, la corneille, slingshot. De Percé à Plattsburgh. En passant par Oka. Venez faire un tour dans la lumière. À l'intérieur de vous, dans les belles fibres du navet, puis dans la beauté des genoux, approchez, approchez, venez, venez. Entrez en foule dans le cirque de l'éternité. Ça commençait comme ça, n'est-ce pas? Pierre-Henri Michel Colombier nous faisait Tin Tonic avec la voix de Jimmy Swaggart, un des plus sympathiques télévangélistes du monde. Je cherche un terme assez fort pour lui, mais je n'en trouve pas finalement. C'est vraiment de la crasse. Voilà, de la crasse, c'est pas si mal. C'est pas, je sais, il était gentil puis aimait beaucoup l'argent. C'était Tin Tonic qui venait de Messe pour le temps présent. Pierre-Henri, Michel Colombier ont collaboré ensemble. Et Michel Colombier a fait plein de choses dans la vie. Et Pierre-Henri aussi. Mais Swaggart, non, Swaggart, c'était un assemblage de Jean-Philippe. Ed Kalehoff et Robert Israel nous faisaient évidemment le thème de The Price is Right. Tout le monde a écouté The Price is Right. Alors, c'est une compilation qui s'appelle Television's Greatest Hits Volume 6 Remote Control de 1996. Ensuite, excusez-moi, je vais les trouver ici. Ah, voilà, The Free Design suivait avec, comment s'appelait la pièce, Jean-Philippe, déjà? The Proper Ornament, voilà. Alors, eux, ils viennent de Delavan, dans l'État de New York, puis ils font du Sunshine Pop. Oui, on appelle ça comme ça, ou du baroque pop par moment, parce qu'il y a des trucs qui font penser à des trucs classiques, un peu baroque, comme ça, oui. Et ensuite, Faust, qui nous faisait « I've got my car and my TV », sur l'album So Far de 1972. On a beaucoup écouté Faust à une certaine époque. Ils font encore des trucs, Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe nous mettra peut-être du Faust récent un jour. Oui, c'est vrai, on en a mis déjà. Oui. Et ensuite, nous sommes passés à Elephant's Memory qui nous faisait... Oh là là, là j'ai vraiment raté ma manœuvre. Jungle Jim. Oui, At the Zoo sur l'album Elephant's Memory de 69. Évidemment, un groupe très connu pour avoir accompagné John Lennon et Yoko Ono, entre autres. Mark Lee nous faisait Zoom Zoom Zoom sur l'album A Group de 1969. Bob Robert Mark Lee, c'est un type étrange. Ça vaut la peine peut-être d'aller lire un peu sur lui. Il a fait toutes sortes de choses, mais sa santé mentale déclinait ou était un peu changeante par moment. Ce qui aussi peut être très vivable, mais dans son cas, ça ne l'était plus. The GTOs nous faisait TV Lives sur Permanent Damage. Ça, c'est produit par Frank Zappa à l'époque, en 1969. Un groupe de filles qui s'appelle toutes Miss quelque chose. Ensuite, Leonard Nimoy nous faisait Visit to a Sad Planet sur Presents Mr. Spock Music from Outer Space de 67. Très grande pièce de Robert Charlebois, La fin du monde, sur Québec Love, qui est un très, très, très bon disque aussi. Et on a terminé avec le cirque Péloquin Sauvageau qui nous faisait Laissez-nous vous embrasser ou vous avez mal. Et voilà. ones where your teeth are the jewelry for little girls' fingers, your lips are the bracelets for old women's wrists. You cannot tell the time for God to climb. Natural wonder you are, washing in streams near the desert sun. Fingers and old women's wrists. Can I tell the time and forgot how to Well, there's nothing I'd like more. And you'd probably say the same. To die on a sunny day, to fry on the barbecue. There's nothing much more sore. And you'd probably fan the flames. To strive to miserablize the world, to cry into somebody's ears. There's nothing much more flawed. And you'd probably draw the sword. But everybody having fun is just an appalling toss of shit. I'm jealous, yes I'm jealous, that life can be so very shit. I'd like to kill them just a little bit, and I always have a nervous fit. échangeurs d'air jusqu'à 22h. Ce petit bloc commençait d'abord avec la pièce Brian de Ellie Witch sur Ellie Witch de 2018. Où êtes-vous, Ellie Witch? Voilà. Alors, je dois expliquer une chose. Ellie Witch, sur leur page où ils racontent leur biographie, finalement, ils ont mis ça sur un espèce de fond qui rend le truc absolument illisible pour un daltonien. Alors, quand je serai plus vieux et que j'aurai des lunettes qui permettent de voir mieux quelque chose avec ça, je vous dirai exactement tout ce qu'il y a sur ça. Mais on sait que c'est un groupe américain et j'ai trouvé ça très drôle. Tantôt, je suis dit pour dire « Ah », puis je me suis dit « Ouais, OK ». Il enregistre à Costa Mesa. Enfin, on peut vous le dire, ça, je le vois. J'ai trouvé ça très drôle. Ils se sont dit, ah, tiens, Michel Marcoux ne sera pas capable de parler de nous. Tiens, ça lui apprendra. Alvarius B. nous faisait Natural Wonders, With a Beaker and on the Burner and an Otter on the Even, in the Oven de 2017. Ça, c'est vraiment Alan Bishop qui est à la base de ça. C'est un de ses alias avec Uncle Jim aussi. Alan Bishop de Sun City Girls qui a fait plein de trucs et donc il fait des trucs parfois sous le nom de Alvarius B. Il a participé à des trucs avec Maureen Tucker aussi qui est maintenant devenue une superbe représentante du Tea Party. puis évidemment les Sun City Girls c'est plus connu c'est le plus connu de ce qu'il a fait. Opal, Happy Nightmare Baby sur l'album Happy Nightmare Baby de 1987. Eux ont tiré leur nom de Opel, une pièce de Syd Barrett. Ils ont changé une voyelle, puis ils se sont dit, tiens, c'est parfait comme ça. Clay Allison, c'était le nom du groupe. D'abord, je s'appelais Clay Allison pour une raison que j'ignore totalement. Il y a David Roback qui vient de Rain Parade et le bassiste Kendra Smith de Dream Syndicate. Avec le batteur Kate Mitchell. Puis c'est devenu Maze Star après. Oui, voilà. Puis sous le nom de Opal, ils ont été actifs de 83 à 89. Meadow House nous faisait Bitterment of Self sur l'album This Should Not Be Happening de 2017. Et Meadow House, c'est le nom de plume. Ça, j'aime bien parfois les anglophones utilisent des expressions françaises comme par exemple Meadow House is the nom de plume of an English musician, instrument builder and composer Dan Wilson. Puis c'est très chouette Meadow House. On en a mis quelques fois puis on aime beaucoup ça. Il y a quand même passablement de stock, mais il y a des trucs qui sont parus en cassette au début. 4D, c'était paru en cassette. Puis des trucs qui parfois étaient sortis de façon assez confidentielle. Nathalie Rose, le Brecht, peut-être. Ça, c'est dur à dire. Bon, elle travaille à Brooklyn, à New York. On a écouté la piste 2 sur son album Wara de 2003. Puis c'est vraiment très chouette. Il y a quelque chose d'hypnotique, effectivement. Puis elle a tendance à changer de voix d'une pièce à l'autre aussi, de changer de personnage. Sam and the Plants nous faisait Shadow sur l'album The Eft de 2009. C'est très, très joli. J'aime beaucoup ça. C'est Sam McLaughlin qui... En fait, c'est son groupe, mais il utilise aussi ça comme alias pour son propre nom, alors même s'il est tout seul parfois. Pas des tonnes d'informations sur Sam McLaughlin. On ne sait pas où est-ce qu'il se cache, on ne sait pas pourquoi il se cache. puis Danielson Family ont terminé avec ça. Eux sont bizarres. La pièce s'appelle Am My Beloved. L'album s'appelle Tell Another Joke at the Old Chopping Block de 1997. Alors, on ne sait pas si c'est vrai que Daniel Smith, parce que c'est surtout la famille Smith qui sont en vedette dans ce groupe. On ne sait pas si Daniel Smith qui a formé le truc est vraiment un born again Christian ou pas. Mais avec les gens avec qui il s'associe, on n'a pas tendance à penser qu'il est vraiment born again Christian. Mais pour ce qui est de la philosophie de ce qu'il raconte, ça se pourrait. Alors un jour, nous pourrons éclaircir tout cela pour vous. Mais vous savez, quand je dis ça, c'est que ça se produira jamais. Alors, petite pause et ensuite, on s'en va voir quoi? Oh, Island Man, Akio Nitsu, Boundary, etc. Thank you. Thank you. Thank you. C'était ça, c'était ça, les échangeurs d'air pour une première émission. On sait que c'est fini parce que Benoît Arcan est arrivé. Ouais, Terrain Vague suit tout de suite après nous. Il a l'air prêt, il a l'air extrêmement prêt. Island Man nous faisait Rest in Space, un extrait sur l'album Rest in Space de 2018. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce musicien et producteur qui vient d'Istanbul en Turquie, qui s'appelle Tolga Boyuk. Pour la prononciation, je le sais pas. B-O-Y-U-K. Donc, si ça se prononce pas Boyuk, dites-moi comment ça se prononce. Akio Nietzsche nous faisait Music Box of Sparkle sur l'album I-Ho de 1978. C'est vraiment très chouette, ça. C'est... Bon, on parle de d'obscure musique japonaise exotique d'avant-garde. Puis, ce qui est drôle, sur ce que j'ai trouvé, on trouve pas des tonnes de trucs sur lui. Si vous aimez Ozono Scorching Moon, vous allez aimer ça. Non, j'ai pas osé aller voir qui était Ozono Scorching Moon. Pour la suite, on est passé à Boundary. Qui nous faisait Fabrica de Barra Resolution sur Fantasmagorico. Puis Boundary, ben, il n'existe plus. Ils ont décidé de se séparer. C'est ce que j'ai vu sur leur page Facebook. Jean-Philippe, il dit c'est un Mexicain. Ben non, Jean-Philippe, c'est des Anglais de Boundary, de Coventry. C'est ça. Alors, il y avait Jean-Philippe est confus, pensait que Boundary c'était un Mexicain à cause du titre. Il s'est fait avoir par un titre. C'est pas la première fois que quelqu'un se fait avoir par un titre. Magnétophonique nous faisait Forest Gazing sur une cartographie idéale de 2018. Je n'ai pas eu le temps de communiquer avec Charles Bellepoix. Alors, on sait que Magnétophonique, c'est français, mais ça non plus, il n'y a pas une tonne d'informations. Il y a beaucoup d'artistes électroniques qui sont discrets. C'est pas la même mentalité que l'artiste rock qui veut être en concert avec plein de monde qui hurle et tout ça. L'artiste électronique qui fait de l'ambiance aime être discret. C'est plus ce que c'était, me dit Jean-Philippe. Lui-même, artiste électronique par moment. Discret. Chris Reimer Dictaphone suivait avec 105.4 sur l'album APR 70 de 2017. Dictaphone, ce sont des Allemands qui, en fait, des Allemands et des Belges qui font du micro-klezmer, disent-ils. Oliver Dorel, Roger Doring et Alex Stolz. Puis c'est très chouette. En fait, c'est un bloc que j'ai trouvé très, très chouette aussi. Et relaxant. Et on a eu Chris Reimer, un guitariste de Calgary qui est décédé aujourd'hui, mais qui a une forte, il y a plein de trucs à redistribuer encore que sa famille est en train d'analyser. Mustard Grass sur l'album Hello People de 2018. Zone suivait avec Emo Dub sur Hand in Hand. Il vient de où? Il vient de quelque part. C'est à peu près sûr. Beaucoup de gens viennent de quelque part, l'air de rien. Numéro 17, Chopsticks Matter Lecture. C'était Sontag Shogun qui nous faisait cette pièce sur Patterns for Resonant Space. Puis, eux, ce sont des amis de Brooklyn à New York, un trio qui fait du traitement de son analogue pour créer cette sympathique musique. Beaucoup de piano. Dans ce qu'il aime, des phrases simples de piano qui font rêver et ça se termine comme ça. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Jean-Philippe vous dit à la semaine prochaine. Benoît Arcan, même, qui commence dans quelques instants, vous dit à la semaine prochaine. Nous, tout le monde à la semaine prochaine.